Chapitre 25e. La vue de Yaroslav est une des plus belles de Russie, non par la voie de terre, de ce côté elle ressemble à une infinité d'autres, mais du côté du Volga. Avec ses hauts remparts crénelés, ses églises aux coupoles dorées, avec la falaise verdoyante qui se prolonge en amont, il est difficile au printemps de s'imaginer quelque chose de plus allègre et de plus original. On doit aimer la musique ici, s'écria Demian, du haut des remparts, quand le soir de leur arrivée il contempla le fleuve, couvert de voiles blanches et rousses, animées par les bacs qui transportaient d'une rive à l'autre, animaux, voitures, charrettes, et jusqu'à de simples piétons. Des groupes de paysannes, les jeunes coiffés du kakochnik d'étoffe pailletée, les vieilles, la tête entourée de linge comme les saintes femmes des tableaux italiens, des enfants aux chemises de couleur claire, des hommes fièrement campés sur leurs jambes entourés de laine retenue par des lanières d'écorce, l'ancien bonnet de feutre roux sur leurs boucles châtaines, se groupaient sur les bacs carrés, mus par de robustes bateliers qui manœuvraient tantôt à la perche, tantôt à la rame. On échangeait des appels, des cris de ralliement, les chevaux piaffaient, grattant du sabot les planches sonores, les moutons bêlaient, se pressant avec effroi les uns contre les autres et là-dessus, le beau soleil de 7 heures jetait à torrents des rayons d'or rouge qui donnaient au loin aux longues pièces de toile fine étendues à blanchir dans les prairies l'apparence d'oriflamme embrasée par la lueur des batailles. « C'est un pays riche, » répondit Victor, moins enthousiaste et plus positif. « La vie a l'air d'être facile et l'argent n'y semble pas rare. » En effet, dans tous les tractirs, toutes les hôtelleries, on entendait des chansons et des rires. Une troupe de tziganes faisait sonner les tambourins dans la grande salle du principal hôtel, et tout le monde semblait prendre plaisir à écouter leurs refrains et leurs mélodies bizarres. Dans un cabaret, deux beaux garçons riverains du Volga dansaient une trépaka insensée, frappant le sol de leurs talons, bondissant, se relevant, puis continuant à danser presque à ras de terre, les jambes repliées, dans une position qui brave toutes les lois de l'équilibre. « Quel dommage !» dit Demian en souriant. Que mes dignités nouvelles m'empêchent de faire comme eux. Il me semble que je redanse avec plaisir pendant 1 heure au moins. Dans une ville si joyeuse, il doit y avoir quelques bals en permanence, suggéra Victor. Ah, mon ami, les beaux jours de la Gesellschaft sont passés. Un premier prix du conservatoire ne doit se montrer qu'en habit noir et en gants blancs. Ils allèrent se coucher sans danse, mais non sans musique. Car, appuyé sur la terrasse qui couronne la fière ceinture de remparts aujourd'hui inutiles, ils écoutèrent bien avant dans la nuit tiède et pâle les chœurs des bateliers qui descendent le fleuve en se laissant bercer par les vieilles chansons à 4 voix d'homme, dont l'origine est inconnue et qui font rêver du pays des songes. Le lendemain, les deux frères firent leurs visites officielles et apprirent que rien n'était plus facile que de donner un concert. À Yaroslav, tout le monde cherche à s'amuser. Un concert n'est pas plus ennuyeux qu'autre chose, surtout si on le prend comme un prétexte à montrer une jolie toilette ou à ne pas aller au bureau. Une seule difficulté surgit. L'accompagnateur ordinaire des concerts était au lit, fort malade, et avant 1 mois il ne serait pas en état de se présenter devant le public, si ce bonheur devait lui être jamais accordé en ce monde. Qu'a-t-il donc, le pauvre diable ? Demanda Demian au jeune paperassier mélomane qui lui faisait ses confidences dans la salle de la mairie. L'autre leva le coude vers le ciel et porta sa main à demi fermée à ses lèvres. Dans toutes les langues parlées et mimées, ce geste a la même signification. Il boit ? On n'en est pas malade 1 mois. Il a bu, répliqua le jeune homme. À vrai dire, il est à l'hôpital avec le délirium tremens. Mais n'allez pas raconter cela dans les autres villes. Soyez tranquille, répondit Demian. Je serai muet. D'autant plus que je ne crois pas à la suprématie de Yaroslav en ce genre. Il doit y avoir partout des musiciens qui aiment à lever le coude. Dites-moi seulement comment on fait quand cet être intéressant est à l'hôpital et qu'on veut donner un concert. On est bien embarrassé. Les dames de la ville y mettent beaucoup de complaisance. Plusieurs d'entre elles sont bonnes musiciennes et accompagnent volontiers les amateurs. Mais pour un étranger... On me présentera, fit Demian, qui ne doutait de rien. Nous sommes des gens bien élevés, nous autres. Et puis, j'ai des lettres de recommandation. On parcourut ces lettres. Une d'elles donnerait accès chez un général goutteux qui jouait de la clarinette avec une perfection étonnante. Sa femme était coquette et grognon, ce qui n'est pas aussi rare qu'on pourrait le supposer. Sa fille était laide, et encore plus coquette, mais moins grognon. « Ça m'est bien égal, » dit notre ami. « Je ne suis venu ici ni pour me marier, ni pour faire collection de cœurs enflammés. Trouvera-t-on chez ces gens quelqu'un pour m'accompagner ?»« La fille ne joue pas mal. Elle accompagne très bien. Mais elle n'a jamais joué en public. Je ne sais pas si elle voudra s'y risquer. »« Bon, » fit Demian, « pour un premier prix de violon. » Ils se rendirent tous trois chez le général goutteux, qui fut enchanté de voir un musicien émérite breveté du conservatoire. « Nous jouerons mon duo pour clarinette et violon, » dit-il. « J'en trouve rarement l'occasion. Ces messieurs de la ville le trouvent trop difficile, et je vous raccolerai un public aussi nombreux qu'aimable. Toutes les amies de ma femme et de ma fille, elles ont pour amies toutes les dames de la ville. Eh, Pingouin !» Pingouin apparut sous la forme d'un vieillard aux cheveux gris, trapu, bourru, vêtu de gris-souris, avec des moustaches barbouillées de tabac et une main derrière le dos. L'autre pendait à son côté, et il avait les bras si courts qu'elle l'atteignait à peine à la hauteur de sa poche. « Vous voyez comme il a les bras courts, » dit le général. « C'est pour cela que je l'appelle Pingouin. »« Pingouin, va dire à madame la générale que nous avons ici un premier violon de Moscou pour un concert, qu'elle vienne tout de suite. » Le personnage ainsi admonesté grogna une sorte d'assentiment et disparut. On entendit derrière les portes un bruit assez prolongé d'altercation, sur lequel la voix enrouée de Pingouin revenait comme un thème dans une sonate avec ces mots, le général l'a ordonné. « Cela dérange peut-être votre épouse, » fit poliment Demian. Le fonctionnaire mélomane, dont rien ne troublait la quiétude, agita la main pour indiquer que ceci n'avait pas la moindre importance. « N'y faites pas attention, » dit le général, « elle fait toujours comme cela. » Victor pensa qu'avec un semblable intérieur, le général était deux fois malheureux d'avoir la goutte. Mais au moment où il levait sur son frère un regard expressif, la générale parut avec un bonnet à ruban paille et une broche en triptyque, représentant son mari, sa fille et son fils, actuellement sous les drapeaux, ces derniers fort jeunes et avec une bouche de travers. Mais l'artiste était seul coupable de ce défaut, qui exposait les pauvres enfants à des commentaires désobligeants de la part de ceux qui ne les avaient jamais vus. En voyant Victor, l'élément grognon de madame la générale lui fit ébaucher une grimace, mais la présence de Demian stimula l'élément coquet, et la grimace devint un sourire, sans gagner beaucoup à la transformation. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. « Ces messieurs veulent nous donner un concert. Berlemine me les envoie. »« Pas moi, » fit Victor, toujours honnête et scrupuleux. « Ça ne fait rien, » continua le général. « Je jouerai mon duo. » La générale haussa visiblement les épaules. Madame Bradoff pourrait chanter un air et Bilski un autre, ou bien tous les deux ensemble un duo. Mais qui est-ce qui va accompagner? Est-ce que Mavrucha ne pourrait pas... Mavrucha ne peut pas, affirma madame la générale, passer le meilleur de son temps à faire des répétitions avec des jeunes gens. Son œil de mère impeccable se promena avec fermeté sur le fonctionnaire mélomane, avec dédain sur Victor, et avec une admiration tempérée de sévérité sur Demian. Eh bien, la petite Hélène ? La petite Hélène, c'est autre chose. Sa mère la tient si mal. On la laisse aller avec tout le monde. Madame, la maman de cette demoiselle consentira ? demanda Demian, très embarrassé pour désigner convenablement la mère de la petite Hélène. Oh, celle-là consent toujours, fit madame la générale, en haussant plus que jamais les épaules, ce qui faisait danser le triptyque à son cou. Victor prit aussitôt mauvaise opinion de la maman de la petite Hélène, mais c'était un moraliste sévère et Demian n'y entendit pas de malice. « Quand peut-on la voir ? » dit-il. « Monsieur vous y conduira, » fit la générale en indiquant le fonctionnaire avec son menton. « Vous viendrez me raconter ce qu'on vous aurait décidé, n'est-ce pas ? » cria le général au moment où les jeunes gens franchissaient le seuil de la porte. « Tu aurais dû les inviter à prendre le thé, » dit-il à sa femme quand ils furent seuls. « Des gens qu'on ne connaît pas, » fit-elle dédaigneusement. « Mais si Berlemine les envoie ici ?»« Vous ne savez pas, général, ce que c'est que de veiller sur une jeune fille, » repartit la générale. « Quand on verra ce qu'ils sont, on les invitera peut-être. » Oui, murmura le général, quand ils sont partis.